Comment dit-on « j'ai voulu » au passé du point ? Qui sait ? Qui sait, hein ? Qui sait, c'est une situation ponctuelle, hein ? Un point dans le passé. Pour dire « je voulais », on dira « quería ». Quería, hein ? Quería. Alors, « je voulais le faire ». Quería hacerlo. Quería hacerlo. Hein? D'accord. Quería. Quería hacerlo. Alors, il faut faire un peu attention ici avec quería. Hein? Je voulais. Parce que je voudrais se dit. Querería. À l'origine, c'était probablement querería. Hein? Mais querería, querería, querería, hein? C'est contracté en querría. Avec deux R. Querría, hein, je voudrais. Donc, il vous faut faire la distinction entre querría, je voudrais, et quería, hein, je voulais. Même si, dans la langue parlée, hein, pour faire une demande polie, on les emploie indistinctement. Alors, pour dire je voudrais, on dit donc querría, mais on emploie aussi souvent, j'aimerais, hein, c'est-à-dire, me gustaría. Je voudrais le faire. Hein, j'aimerais le faire. Me gustaría. Et il y a encore une autre manière de dire je voudrais. Hein, j'aimerais. C'est quisiera. Hein, quisiera. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Hein. Alors, on a quise, qui veut dire j'ai voulu. Quiso, il ou elle a voulu, ou vous, hein, usted, avez voulu. Et donc, il ou elle au pluriel ont voulu, hein, au passé sans plongeoir, c'est quisieron. Quisieron. Hein? Alors, comment dit-on j'ai voulu le faire, hein? J'ai voulu le faire au passé sans plongeoir. Quise. Quise, d'accord. Le faire. Hacerlo. Quise hacerlo. Il a voulu le faire au passé sans plongeoir. Quiso. Réessayez. Quiso hacerlo. Quiso hacerlo. Hein? C'est bien quiso, hein? Parce que quiso, hein, ça n'existe pas. Hein? Donc, quiso. Quiso. Quiso hacerlo. Et ils ont voulu le faire, hein? Toujours sans plongeoir. Quisieron. Quisieron, hein? Le faire. Hacerlo. Quisieron hacerlo. Et maintenant, il se trouve que si vous prenez cette forme en ron, hein, la forme de la troisième personne du pluriel du passé sans plongeoir, donc avec il ou elle au pluriel, hein, ici quisieron, hein, et vous remplacez ron par ra, vous obtenez quisiera, hein, qui s'emploie dans le sens de « je voudrais, hein. ». C'est en fait un subjonctif imparfait. Hein. Le nom n'est pas important. Hein. Et il est très facile à former quand vous allez le voir. Donc, il suffit de prendre la forme avec « il » ou « elle » au pluriel du passé sans plongeoir, c'est-à-dire la forme en « aron » pour les verbes en « ar hein, », comme par exemple « hablaron » et en « ieron ». Pour les verbes en er et ir, hein, comme comieron, salieron, ou en eron, dans le cas des quelques verbes particuliers comme decir, hein, qui donne dijeron. Et vous remplacez ron par ra, donc par exemple hablaron par hablara, salieron par saliera, et dijeron par dijera. Mais on va y venir. Hein? On va s'entraîner à utiliser ces formes. Donc, dans notre exemple, en partant de quisieron, on obtient quisiera. Il se trouve que ce quisiera s'emploie beaucoup dans le sens de j'aimerais. Quisiera, quisiera hacerlo, j'aimerais le faire. Donc, au lieu de querría, que vous connaissez déjà, on peut dire « quisiera ». Bon, alors, Je veux le faire. Ça se dit. Je veux le faire. Quiero. Quiero. Hein? Le faire. Hacerlo. Quiero hacerlo. Vous pouvez le redire? Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. D'accord. Et je voulais le faire. Quería. D'accord. Quería. Hacerlo. Quería hacerlo. Et si vous voulez dire j'aimerais le faire, vous pouvez dire soit me guste. Me guste. J'aimerais. Me gusta. J'aimerais. Me gustaría. Me gustaría, en effet. S'il vous plaît, n'essayez pas de deviner, d'accord? Les seules fois où je vous encouragerai à essayer de deviner, ce sera quand il s'agit de vocabulaire. Hein? Donc, de deviner des mots. Mais pas pour la structure de la langue, hein? Pas pour la grammaire. Prenez toujours votre temps, hein, pour bien réfléchir. Alors, encore une fois, j'aimerais le faire. Me gustaría hacerlo. Bien, me gustaría hacerlo. Hein, me gustaría hacerlo. Mais vous pouvez aussi bien dire je voudrais le faire. Hein. Comment est-ce que vous diriez ça? Je voudrais. Querría. Oui, certainement, à l'origine, c'était querría. Ah oui. Mais ça s'est contracté en... Querría. Querría. Encore une fois. Querría. Querría. D'accord. Hein, avec deux R. Hein. Et on doit bien entendre ces deux R parce qu'il y a une différence entre querría avec deux R qui veut dire je voudrais, hein, j'aimerais, et querría avec un seul R qui veut dire je voulais. Mais il y a encore une autre manière de dire j'aimerais. C'est que sería. Non. Comment dit-on ils ont voulu à la forme simple du passé, donc simple enjoueur. Quisieron. Quisieron. Et maintenant, vous remplacez quisieron par quisiera. Quisiera. Alors, quisiera. On emploie cette forme dans le sens de j'aimerais. Alors, j'aimerais le faire, ça sera quisiera hacerlo. Encore une fois. Quisiera hacerlo. D'accord. Quisiera hacerlo.